Pourquoi ça marche pas? Mono, mono 1, mono, mono 2. Ah, ah, et là. Ah, ça y est, j'ai trouvé là. Là, normalement, il va y avoir. Hey, hey. Hey, hey. On va se mettre la voix, c'est pour... Ad local, j'en ai deux. Trois, quatre.